De quoi nos rencontres sont-elles faites? Et si nos histoires d'amour se jouaient à une seconde près et étaient chaque jour le résultat d'une succession de bonnes et de mauvaises rencontres, de bons et de mauvais hasards, comme on dit, qui écriraient petit à petit l'histoire que nous sommes en train de vivre, pour le pire et pour le meilleur? Alors les occasions manquées, les rendez-vous ratés seraient eux aussi la trace d'un amour tout aussi fort, mais appartenant à un autre type de réalité dont nous ne savons la plupart du temps pas grand-chose. La philosophe Eliette Abécassis est avec nous en ce matin de juin pour réfléchir sur ces hasards amoureux qui font les grandes histoires de la vie et au cinéma. Je sais, la pauvre, elle a purement et simplement déjanté. Déjanté. Ah ! Elle a disjoncté, elle a complètement disjoncté. C'est quoi son propre... Bon, j'y vais. Bonjour Eliette Abécassis. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je suis ravie de vous accueillir ce matin depuis chez vous pour parler de ces rencontres ratées et de quelques rencontres réussies quand même dans les comédies romantiques. Oui. Ce qu'on vient d'entendre, c'est le début du film La La Land, hein, le film de Damien Chazelle, au début duquel donc il y a cette scène magistrale en quasiment un plan séquence, un embouteillage, les gens sortent de leur voiture, se mettent à danser, à chanter. Et puis, ce qui est vraiment le prototype d'une rencontre ratée, cette femme dans la voiture qui est en train d'apprendre son texte pour passer une audition, un homme qui est derrière qui voudrait avancer, elle n'avance pas parce qu'elle regarde pas devant elle et il la double en klaxonnant, elle lui fait un doigt d'honneur et on pense que c'est fini alors qu'en fait tout commence. Voilà, tout commence d'une façon improbable, comme dans les vrais hasards. Ils ne devaient pas se rencontrer parce que il y avait très très très peu de chances pour qu'ils se croisent sur ces autoroutes immenses, très impressionnantes de Los Angeles, avec toutes ces voies et toutes ces voitures et cet embouteillage. Et même, enfin malgré le fait que les chances étaient très très ténues de se rencontrer, eh bien ils se rencontrent et s'ajoute à cela le fait que c'est une mauvaise rencontre puisque les circonstances ne sont pas favorables et parce que chacun est dans le stress de ne pas avancer et puis on entend tout ce bruit. Alors c'est drôle parce que la bande son sans les images effectivement ce bruit des embouteillages, des voitures, des gens qui klaxonnent me paraît encore plus stressant, étouffant et on a du mal mal à y voir clair et effectivement à penser aux sentiments et encore moins à l'amour dans cette ambiance-là sonore. Et finalement, malgré bah, ces circonstances, il y a quelque chose qui se passe comme une étincelle sous cette rage et sous cette colère. Et je crois que les circonstances en amour sont très importantes, que l'amour c'est aussi une question de temps, c'est pas seulement comme dans le mythe platonicien, deux êtres qui sont prédestinés l'un à l'autre et qui de toute façon doivent se rencontrer, et dès qu'ils se rencontrent, eh bien ils vont tomber amoureux et voilà, ils vont se reconnaître, la reconnaissance. Eh bien je ne crois pas, je crois que les circonstances sont essentielles en amour, qu'il y a ce kairos, ce moment favorable pour se rencontrer. Et si le kairos n'est pas là, si les planètes ne sont pas alignées, s'il y a un petit grain de sel, un embouteillage, rien, trop de soleil, eh bien on va rater tout simplement la rencontre de sa vie, et c'est un peu comme ça que le film commence. Vous voulez dire que ce qu'on appelle les comédies romantiques, qui commencent bien souvent avec deux personnes que tout oppose et qui vont finir par se plaire, s'inscrivent à l'inverse du mythe d'Aristophane qu'on trouve dans le Banquet de Platon, qui justement émet cette hypothèse d'une sorte de prédestination, puisqu'au fond, nous ne serions qu'un seul être qui a été scindé en deux, et nous passons notre vie à rechercher notre moitié, et dès qu'on la voit, en fait, on est comme attiré, comme par un aimant, par elle. Voilà, oui, je pense que dans les comédies romantiques, il y a une part importante de la destinée, du fait que même si ces gens devaient se rencontrer, ils se rencontrent pas au bon moment, ou alors il y a des événements, toujours des péripéties amoureuses qui font que, eh bien, cette reconnaissance ontologique, ce coup de foudre, ne va pas se faire. Et s'il ne se fait pas tel qu'il devrait se faire selon le mythe d'Aristophane, c'est peut-être qu'effectivement ces êtres ne sont pas prédestinés, mais qu'il y a une rencontre amoureuse qui se fait, qui peut se faire, qui aurait pu se faire peut-être dans d'autres circonstances avec d'autres personnes. Et finalement, c'est tout ce qui va se jouer entre eux qui va les souder l'un à l'autre. Alors je vous propose qu'on écoute ensemble ce mythe d'Aristophane avant d'aller plus loin, parce qu'il va nous être très utile, ne serait-ce que pour définir a contrario les comédies romantiques dont on parle aujourd'hui. Il faut d'abord que vous appreniez à connaître la nature humaine et ses transformations. Jadis, notre nature n'était pas ce qu'elle est à présent. Elle était bien différente. D'abord, il y avait trois espèces d'hommes, et non deux comme aujourd'hui. Le mâle, la femelle, et outre ces deux-là, une troisième composée des deux autres. Le nom seul en reste aujourd'hui, l'espèce a disparu. C'était l'espèce androgyne. Et ces trois espèces étaient d'une force et d'une vigueur extraordinaires. Et comme ils avaient de grand courage, ils attaquèrent les dieux. Et ce commère dit d'Éphialte et d'Otos, on le dit d'eux, à savoir qu'ils tentèrent d'escalader le ciel pour combattre les dieux. Alors Zeus délibéra avec les autres dieux sur le parti à prendre. Le cas était embarrassant. Il ne pouvait se décider à tuer les hommes et à détruire la race humaine à coups de tonnerre comme ils avaient tué les géants. D'un autre côté, il ne pouvait non plus tolérer leur insolence. Enfin, Jupiter, ayant trouvé non sans peine un expédient, prit la parole. « Je crois tenir le moyen de conserver les hommes tout en mettant un terme à leur licence. C'est de les rendre plus faibles. Je vais immédiatement les couper en deux l'un après l'autre. Nous obtiendrons ainsi le double résultat de les affaiblir et de tirer d'eux davantage puisqu'ils seront plus nombreux. Or, quand le corps eut été ainsi mal divisé, chacun, regrettant sa moitié, allait à elle. » Et s'embrassant et s'enlaçant les uns les autres avec le désir de se fondre ensemble, les hommes mouraient de faim et d'inaction parce qu'ils ne voulaient rien faire les uns sans les autres. Et quand une moitié était morte et que l'autre survivait, celle-ci en cherchait une autre et s'enlaçait à elle, et la race s'éteignait. Alors Zeus, touché de pitié, imagine un autre expédient. Il transpose les organes de la génération sur le devant. Cette disposition était à deux fins. Si l'étreinte avait lieu entre un homme et une femme, ils enfanteraient pour perpétuer la race. Et si elle avait lieu entre un mâle et un mâle, la satiété les séparerait pour un temps, ils se mettraient au travail et pourvoiraient à tous les besoins de leur existence. C'est de ce moment que date l'amour inné des hommes les uns pour les autres. L'amour recompose l'antique nature, s'efforce de fondre deux êtres en un seul et de guérir la nature humaine. Chacun de nous est donc comme une tessère d'hospitalité. Puisque nous avons été coupés comme des sols et que d'un nous sommes devenus deux, aussi chacun cherche sa moitié. Je ne sais pas ce qui est le plus romantique, Elliott Abécassis, ce qu'on appelle les comédies romantiques, qu'il vous faudra définir d'ailleurs pour les besoins de cette émission, ou ce texte d'Aristophane qui semble véhiculer une conception de l'amour qui est plus fort que tout le reste. Et on peut parler de prédestination. Aristophane dit ici que l'amour nous guérit de la nature humaine, comme si celle-ci était un mal, justement, ou quelque chose, une maladie dont on pouvait venir à bout grâce à l'amour, si bien que la conception de l'amour semble rivaliser avec ce qu'on tient pour la conception romantique de l'amour. Oui, oui, mais c'est vrai que là, on a une conception qui a vraiment inspiré, hanté l'Occident et qui a même dominé toute la conception occidentale de l'amour, même jusqu'à aujourd'hui. Et je dirais, avec La La Land, c'est un cas vraiment intéressant parce que je crois qu'on s'en sépare complètement. Ouais. Parce qu'on est en train de rentrer dans une autre ère de l'amour. On est en train de sortir d'Aristophane. Je ne sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal, mais jusqu'ici, nous étions dans cette conception absolument romantique de l'amour qui fait justement de l'amour un absolu. Mais non seulement l'amour est un absolu, quelque part, on ne peut être heureux, on ne peut être absolument heureux, on ne peut être absolument soi, plus exactement, qu'en rencontrant sa moitié, puisque si on n'a pas rencontré notre moitié, ça veut dire que nous sommes séparés d'elle et nous ne sommes nous-mêmes qu'une moitié. Donc l'accomplissement de l'être ne peut venir que par l'amour. C'est ce que dit Aristophane. Oui, c'est ce que nous dit Aristophane. Alors, c'est véritablement un absolu et c'est effectivement cette conception qui a guidé tout l'Occident, c'est Tristan et Iseut, tous ces grands romans d'amour. Alors que Platon, dans Le Banquet, présente évidemment plusieurs conceptions de l'amour. Celle d'Aristophane n'est qu'une conception parmi d'autres. C'est un peu une fable même drôlatique dont on se moque un peu et qui n'est pas la conception qu'on va forcément choisir, puisqu'il y en a, il y a beaucoup de théories de l'amour dans Le Banquet. Donc on va dire que c'est la conception effectivement d'Aristophane. Après on a dit que c'était la conception platonicienne, mais c'est plus complexe que ça. Mais en tout cas, c'est notre vision de l'amour. Et je dirais qu'avec justement cette rencontre ratée de La La Land, où les êtres, ben ils ne se reconnaissent pas du tout. Oui. D'abord, ils sont pas à la recherche de leur moitié, ils sont à la recherche du fait de sortir de cet embouteillage. Elle est déjà en train de répéter son texte. Ça veut dire qu'elle est déjà dans sa carrière. Elle n'est pas en train de rêver romantiquement à une histoire d'amour ou à l'être aimé. Et lui, on voit aussi qu'il est busy, il est occupé dans sa vie, dans sa petite voiture, en train d'aller à ses occupations et puis d'essayer de se sortir lui aussi de ses problèmes financiers. Non, ils ne se reconnaissent pas, ils ne sont pas à la recherche de leur moitié, ils sont à la recherche de l'accomplissement de leur être. Et l'accomplissement ne vient pas par la rencontre avec la moitié, comme on le verra dans le film, dans tout le déroulement de ce film. Il viendra bien par leur carrière, même si au bout de toute cette histoire, eh bien, ils vont se poser la question quand ils vont se revoir. Alors là, je saute directement à la fin du film, et c'est intéressant de contraster le début et la fin. Et quand ils se revoient, et ils ont ce doute et ils se disent, oh, mais et si on s'était trompé, et si en fait, et si c'était lui dont j'avais besoin, et si c'était elle que j'aimais vraiment, et si je ne pouvais pas être heureux sans elle ou sans lui, et si finalement Aristophane avait raison, eh bien non, parce que on a à ce moment-là ce déroulé du film en accéléré de la rencontre réussie, c'est-à-dire si ils avaient été l'un avec l'autre, s'ils s'étaient reconnus comme chez Aristophane, s'ils avaient vécu ensemble, et bien s'ils avaient eu des enfants, s'ils avaient déroulé toute leur vie ensemble en perdant complètement leur amour à travers toutes les vicissitudes de la vie, d'être papa et maman, d'emménager ensemble et de crouler sous les dettes de leur appartement, etc. Et là, leur amour était fini. Eh bien non, l'accomplissement ne vient donc pas de l'amour qui n'est qu'une étincelle, qui de cette passion qui ne dure qu'un temps et qui se perd dans le quotidien et dans l'enlisement familial. Et finalement, chacun s'accomplit à travers sa carrière. Et ça, c'est un signe des temps, c'est un signe de l'époque, c'est un signe que nous sommes en train véritablement de changer de civilisation, de conception de l'amour et des sentiments, mais aussi de conception du monde, en fait. Mais attendez, ça veut dire que pour vous, La La Land est une comédie qui montre que nous avons dépassé, la période romantique de la conception que nous nous faisons de l'amour, ouais. depuis Platon. Enfin, que nous l'avons dépassée ou que nous aimerions la dépasser, mais qu'on n'y arrive pas encore vraiment. Parce qu'au fond, La Land montre l'accomplissement de ces personnes indépendamment de l'amour qu'ils se portent. La dernière scène montre ce qu'ils auraient pu vivre. Ouais. Mais on sent quand même une forme de regret à la fin. C'est pas non plus une victoire d'être heureux l'un sans l'autre. C'est pas ce que raconte le film. On sort quand même très, très heurté par cette fin, voire triste. On se dit qu'ils sont passés à côté de quelque chose quand même, non ? Ouais, on se dit effectivement qu'ils sont passés à côté de leur vie. Ce qui est quand même le signe d'un échec. Mais nous, on se dit ça. Mais le film, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il nous dit, mais s'ils étaient allés l'un vers l'autre et qu'ils avaient formé ce couple et cette famille et qu'ils avaient commencé à faire la lessive ensemble, c'était la décrépitude et la fin totale de leur amour. Donc en fait, le film, je pense qu'il nous dit... leur amour, leur passion, elle est éternelle. Ce sentiment, il reste entre eux. Et à chaque fois qu'ils se revoient, eh bien, il y a effectivement cette forme de reconnaissance sous une forme de regret. Mais finalement, cet amour-là est impossible. Donc, Parce que c'est de toute façon impossible. Soit il est trop beau pour être réel, soit il est impossible. Et dans les deux cas, ils ont perdu. Écoutez l'hypothèse qu'avance Damien Chazelle, le réalisateur du film. Il semble aller dans votre sens, d'ailleurs, Eliette Bécassis. Les films romantiques que j'adore le plus sont souvent les films où les amants ne sont pas ensemble à la fin. Mais on a quand même l'impression que l'amour ou que le souvenir reste, que ça dure. Et je trouve ça une idée très très profonde, très belle, parce que c'est l'amour comme quelque chose d'abstrait, quoi. C'est l'amour comme c'est pas seulement l'amour physique ou l'amour intime ou l'amour logistique pratique. Je dirais que c'est l'amour comme idéal abstrait. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et la voix de Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land, que vous venez d'entendre à l'occasion de cette émission dans le cadre d'une série autour des rencontres amoureuses. Et aujourd'hui, ces rencontres peut-être ratées, en tout cas ces nouvelles rencontres au cinéma, notamment dans le film La La Land et Elle et lui de Macaré, auquel on viendra dans un instant, en compagnie de la philosophe Eliette Bécassis. Damien Chazelle le dit très bien, c'est la victoire de l'amour abstrait qui lui plaît. Mais au fond, dans ce qu'il appelle amour abstrait, je ne sais pas si c'est quelque chose de très opposé à ce que définissent c'est Aristophane. On reste dans un idéal de l'amour qui est bien loin des préoccupations quotidiennes. Absolument. C'est même, je dirais que on est en train là de contempler un idéal et même une idée de l'amour. Et je me demande si cet amour là, on n'est pas en train de le contempler avec nostalgie, parce que on sait qu'on l'a perdu. On sait qu'on a perdu ce sentiment dans nos sociétés, comme le montre la sociologue Eva Illouz dans ses livres Pourquoi l'amour fait mal, l'expérience amoureuse dans la modernité. Elle montre que l'amour est entré dans le marché et que dans notre ère hypercapitaliste, nous sommes en train effectivement de vendre et d'acheter des sentiments et à travers les applis, les rencontres virtuelles. Peut-être que nous sommes en train de virtualiser nos sentiments et de perdre complètement le sentiment amoureux. Elle montre à travers la conception moderne de l'amour, c'est-à-dire l'incapacité de choisir, le refus de s'engager, cette évaluation permanente de soi et de son partenaire amoureux, mais aussi la tyrannie de l'industrie de la mode, de la beauté. Il y a une marchandisation de la rencontre amoureuse. Et je pense que on le voit bien dans La La Land, justement, dans cette dialectique entre l'amour et la carrière, c'est-à-dire entre l'amour et l'argent. On voit bien que l'amour, eh bien, n'est plus au-dessus de tout. Et c'est là où, entre elle et lui, c'est-à-dire An Affair to Remember en anglais de Léo McCarré et La La Land, eh bien, il y a pour moi un vrai changement de civilisation. Donc pour vous, l'un s'inspire de l'autre, oui. Hein, c'est ça. La La Land est une sorte, alors peut-être pas de remake assumé, mais s'inspire en tout cas de ce film Elle et lui de Léo McCarré qui date de 57. Oui, moi, je crois que en fait on a beaucoup parlé de Jacques Demy et de l'inspiration des films musicaux de Jacques Demy, des Demoiselles de Rochefort, Parapluie de Cherbourg, pour comme source de La La Land, mais moi je pense que c'est aussi une façon de revisiter ce film Elle et lui, parce que dans Elle et lui, la rencontre, enfin la dialectique proposée est également autour de l'amour. Alors c'est pas la carrière, mais c'est l'amour et l'argent, puisque il s'agit d'une rencontre entre deux êtres qui sont désargentés et qui chacun sont fiancés à des personnes très fortunées qui vont leur apporter une aisance matérielle. Et ils vont se rencontrer d'une façon improbable aussi sur un paquebot et tomber amoureux l'un de l'autre alors qu'ils n'ont pas d'argent. Et ce qui va l'emporter, à l'inverse de La La Land, eh bien pour eux, ce n'est pas la carrière ou l'argent, c'est l'amour. L'amour va dépasser tout. Parce qu'avant, on avait ça, on avait cette conception justement d'Aristophane où l'amour était un absolu, où l'on ne pouvait pas s'accomplir sans aimer l'autre et sans être avec l'être aimé. Mais aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est peut-être, nous assistons peut-être, et je le dis comme ça d'une façon très légère, mais j'en suis très affectée, à, comme le dit Eva Illouz, la fin de l'amour. On écoute cette première rencontre entre Cary Grant et Deborah Kerr. Cary Grant joue le personnage de Nicky Ferrante et Deborah Kerr joue le personnage de Terry McKay. Ils sont donc à bord d'une croisière sur un paquebot. Dès leur première rencontre, lui propose assez directement de coucher avec elle. Elle réplique que non, elle peut pas tromper son partenaire, et s'ensuit une discussion qui est en fait la véritable rencontre que voici. What is your name? Quel est votre nom? Terry McKay. Terry McKay and I'm traveling alone. Was that by any chance what was troubling you? Yes. Terry McKay et je voyage toute seule. Ne serait-ce pas ça qui vous tourmentait par hasard? Si. Vraiment, c'est très agréable. Vous savez, vous m'avez sauvé la vie. Je m'ennuyais à mourir. Je n'ai pas vu une jolie femme sur ce bateau depuis qu'on est parti, n'est-ce pas terrible? Et je m'alarmais. Je me demandais si les jolies femmes ne voyageaient plus, et puis je vous ai vu. J'étais sauvé. Je l'espère. Dites-moi, ce genre de baratin vous donne-t-il des résultats? Entre nous, ça me surprendrait. Si ça vous surprenait, ça me surprendrait. Oh, ça a l'air d'une méchanceté. Je pourrais vous en dire aussi si je voulais. J'en suis certain. Oh, j'en suis capable. C'est juste ce que je viens de dire. Très bien, je vais vous en dire une. Je suis tout oui. Est-ce que votre fiancé connaît la femme du yacht, Gabriella? Mais certainement, c'est sa meilleure amie. Ah, oh, ça se passe en famille. Vous savez, ce bateau file beaucoup trop vite. Et nous devrions profiter de chaque moment. Voyons, vous ne croyez pas que la vie doit être gaie, brillante et mousseuse comme le champagne? J'aime le champagne rosé. Ben, c'est ce que je veux dire, le champagne rosé. Y a-t-il une raison quelconque pour que désormais ce voyage ne soit pas rosé comme du champagne? Mm-hmm. Laquelle? Oh là là. Ça ne lui plairait pas, hein? Non. Marie? Non. Ça ne lui plairait pas quand même? Non. Et pourquoi n'est-il pas avec vous? Il est au Texas pour fusionner avec une autre compagnie. Ah. Il a pensé que c'était une bonne idée que je fasse un petit voyage pendant qu'il mettait au point une grosse affaire. Bon. Alors, il vous fait confiance? Implicitement. Pas de faux pas, pas de... Non, pas le moindre coup de pianiste. 5 ans de fidélité. Ah. Ça semble affreux, n'est-ce pas? Il a vraiment de la veine. Ça doit être un homme très remarquable. Vous pouvez imaginer combien il est séduisant pour que je résiste à un homme aussi charmant que... Oui, je vous comprends. Et merci de ces instants trop courts. Eh ben, il reste encore le tennis, le ping-pong, la lecture. Oh, ne, Ne me dites pas que vous êtes intimidée. Si, je dois avouer que je le suis un peu. Oh, je vous demande pardon. Oh, je vous en prie, ne vous excusez pas. Oh, ça ne vous a pas donné de complexe, oh, vous êtes navré. Non, je vous en prie, ne vous en faites pas, je vais emmener mes complexes faire un tour. Mm-hmm. À moins, naturellement, que vous ne... Que je dîne avec vous? Avec joie. Unless, of course, you care to... Have dinner with you? I'd love you. Heureusement qu'on entend quand même les voix réelles de Cary Grant et de Deborah Kerr parce qu'elles sont quand même absolument irremplaçables. Même si la version française nous permet de faire bénéficier le dialogue au plus grand nombre, c'est quand même la voix des acteurs dit beaucoup aussi de leurs échanges. Oui. Alors là, ce qu'on peut dire, Eliette Abekassis, c'est que parce que la rencontre physique n'a pas lieu, la rencontre sentimentale va vraiment avoir lieu dans la suite du film, au fond. Il faut une rencontre ratée pour que la véritable rencontre, c'est-à-dire la rencontre amoureuse dans une comédie romantique, puisse avoir lieu. Absolument, oui, c'est vrai. Alors lui, c'est un séducteur, un playboy assez fameux, et qui a décidé de se marier avec cette femme très riche, et donc de se ranger. Mais il joue son rôle de séducteur, de femme. Un peu lourdingue d'ailleurs hein, dans l'extrait. Mm-hmm. Et oui, mais on voit en même temps que elle l'invite dans sa chambre, elle est séduite et c'est elle qui à la fin de la scène saute sur l'occasion en lui proposant finalement de dîner avec lui, mm-hmm. alors qu'elle vient de refuser de passer la nuit avec lui, mais elle ne veut pas que l'histoire s'arrête là et elle est complètement sous le charme de comment ne le serait-on pas de Cary Grant et donc c'est là qu'ils vont effectivement commencer cette relation complètement platonique, où ils vont discuter un peu de tout, de rien, et il va y avoir un mariage symbolique, puisque quand ce paquebot va accoster au sud de la France, ce personnage de Nick Ferrante va amener cette femme chez une de ses connaissances qui a une très jolie maison avec une petite église, et ils vont se retrouver tous les deux dans cette église, donc un amour très très spirituel, presque mystique, et c'est ce qui fait que cette comédie, même si ce n'est pas une comédie du remariage comme le dit Stanley Cavell, ça lie quand même un peu justement par ce mariage symbolique et cette séparation qu'ils vont vivre puisque chacun est fiancé et qu'ils vont mettre leur amour à l'épreuve du temps d'abord parce qu'ils vont se donner 6 mois, alors il y a un délai, et à l'épreuve de la vie et à l'épreuve de cette attente, mais cette attente qui prépare leur ce que je pense être un remariage en fait, puisqu'il y a quand même eu ce mariage spirituel, qui fait que la rencontre va être possible parce que chacun va tout simplement, alors dès qu'ils arrivent, dès que le bateau accoste, même s'ils ne se parlent plus puisqu'ils se sont donné 6 mois, eh bien ils vont rompre avec leur riche projet de mariage. Et lui, il va travailler. Alors, il est peintre, mais il est peintre. Il n'arrête jamais rien fait de sa peinture. Il va essayer de vendre ses peintures, mais il va aussi faire de la peinture en bâtiment. C'est dire qu'il fait des efforts et qu'il se met vraiment à travailler et à rompre complètement avec ce qu'il était, avec sa vie de playboy. Et elle aussi, elle rompt avec son riche fiancé. Et chacun va décider de se consacrer plutôt à l'amour et plutôt à cet amour très beau, très très idéal, très absolu qu'ils ont l'un pour l'autre. Et après, il va y avoir d'autres péripéties qui vont faire que cet amour est empêché. Mais donc, quel lien faites-vous avec les personnages de La La Land? C'est à l'inverse, c'est-à-dire que les personnages de La La Land privilégient leur vie professionnelle sur leur vie sentimentale, ouais. Alors que dans Elle et lui, c'est l'inverse, on peut le dire comme ça? C'est tout à fait ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire que on part d'une même problématique, amour, argent, et les personnages de La La Land font clairement le choix de l'argent. De l'argent ou de la carrière. Mais de la carrière, pourquoi finalement? Ben, pour être un peu riche et célèbre. Alors, il y a le côté Hollywood qui se rajoute à ça, c'est-à-dire la célébrité, donc une forme d'accomplissement par l'image, etc. Mais aussi artistique, c'est aussi un accomplissement artistique. Bah d'abord, même, ouais. Non, parce que lui, il veut ouvrir un club de jazz. C'est pas ouais. le meilleur moyen de devenir ni riche ni célèbre, d'ailleurs. Ouais. Mais il a vraiment une ambition, disons, artistique. Et elle veut devenir comédienne, mais elle écrit ses textes. Il y a quand même vraiment pas simplement ouais. le désir de la notoriété, me semble-t-il. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont oui, c'est vrai, c'est ce qui sauve un peu les personnages dans leur idéalisme, c'est qu'ils ne sont pas que sur leur carrière. Ils ont envie, ils ont une vraie aspiration artistique, un vrai talent et une vraie sincérité par rapport à leur désir d'art, et c'est ce qu'ils vont mettre au-dessus de tout, au-dessus de l'amour. Ce qui rend le film intéressant, ouais. parce que sinon il serait trop manichéen et on se dirait mais pourquoi est-ce qu'il sacrifie un amour qui a l'air réel pour une carrière qui a l'air bidon, voilà. Alors que là on voit vraiment qu'il y a un dilemme qui se pose et qu'en ce sens le film est très contemporain, c'est vrai. Oui, mais il y a quand même une déviation par rapport à leur une déviation, je dirais, un peu capitalistique et par rapport à leur aspiration artistique, parce que notre pianiste de jazz qui ne vivait que pour le jazz pur va accepter de faire cette tournée et par là il c'est un dévouement de son art au profit quand même de la carrière, de la réussite, mais vraiment de la réussite par l'argent. Et elle, finalement, c'est pareil, parce que ce qu'elle voulait, c'était écrire ses propres spectacles à partir de son expérience, et puis se raconter, et puis raconter l'histoire de cette femme, mais aussi de toutes les femmes et de ses aspirations. Il y avait aussi une pureté de son aspiration artistique qui va aussi être dévoyée par sa grande carrière de comédienne, mais de comédienne certainement de, on imagine, on le voit, de films très populaires, même si c'est peut-être des bons films. Enfin, elle aussi, en quelque sorte, elle vend son âme à l'argent, finalement. Et c'est plus la carrière, mais la carrière, justement, au sens professionnel, donc le fait de gagner de l'argent et de la notoriété, qui les éloigne non seulement l'un de l'autre, mais aussi de leur art pur et idéal. Et qui fait que bah ils vont faire ce choix matérialiste, capitalistique contre le choix de l'amour pur, comme dans Elle et lui. When do you find out? T'auras la réponse quand? They said the next couple days. Ils ont dit dans les deux prochains jours. Franchement, je m'attends à rien, dans un sens comme dans l'autre. Tu vas la voir. Je pourrais ne pas la voir. Je te dis que tu l'auras. J'espère que tu seras pas trop déçu. Je le sais. Je le sais. Je sens ces choses-là. Et nous, on en est où? On est à Griffith Park? On en est où? J'avais compris. Je sais pas. On fait quoi, alors? Je crois pas qu'on puisse faire grand-chose. Parce que quand t'auras ce rôle... Si, j'ai ce rôle. Quand t'auras ce rôle... Tu devras y mettre tout ce que t'as dans le ventre. Toutes tes tripes. C'est ton rêve. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais réaliser mon projet, tu vois. Je reste ici. Et je vais suivre ma route. Toi, tu seras à Paris. Il y a du bon jazz là-bas. Et t'aimes le jazz maintenant. Pas vrai? C'est vrai. On va attendre et on va voir ce qui va se passer. Moi, je sais que je t'aimerai toujours. Moi aussi, je t'aimerai toujours. Regarde cette vue. J'ai connu mieux. C'est lugubre. Ouais. Ouais. J'étais jamais venue dans la journée. Thank you. Eliette Abécassis, vous dites, vous avez une lecture de ce film montrant que c'est au fond ce que un certain système, ce que vous appelez le capitalisme, qui empêche l'amour tel qu'on se l'imaginait avant de réussir au sein de ce film. On pourrait voir aussi que l'obstacle à leur amour, en tout cas la discussion qu'on vient d'entendre, qui est située à la fin du film, le montre bien, ne serait pas tellement une contrainte d'ordre financière que qu'une impossibilité qui serait, disons, cette fois-ci plus existentielle, même plus philosophique peut-être, d'être avec quelqu'un, comme si la leçon du film, ou la morale, hein, sans qu'il nous fasse la morale, mais finalement ce qu'on retire, c'est que peut-être certains d'entre nous, et peut-être même sommes-nous tous, irrémédiablement, irrévocablement seuls, et qu'il nous est impossible de nous unir vraiment à quelqu'un. Oui, c'est vrai. On le voit effectivement dans ce dialogue où d'ailleurs, quand elle lui dit « on en est où ?» et au départ, pour faire une blague, une plaisanterie, il dit ben, « on est dans cet endroit, dans ce parc ». Et elle lui dit non, on en est où, toi et moi? Mais en fait, finalement, ils en sont où? Ils en sont ici et maintenant à vivre leur amour dans une rencontre, une brève rencontre. Mais fondamentalement, ils ne sont pas effectivement capables de vivre plus que cela, que ici et maintenant, cet amour-là. Ici. Mais moi, je pense que s'ils n'en sont pas capables, là, ça c'est mon interprétation. Moi, j'en veux mm-hmm. plus à la société qu'à l'homme, même si c'est l'homme qui fait la société. Mais il y a quand même cette société qui nous pousse à privilégier notre carrière, notre réussite matérielle. Cette société très matérialiste, pas très spiritualiste, ce la lande où tout est illusion finalement, et où il faut juste tout est argent, et il faut poursuivre son bonheur individuel à travers sa réussite individuelle. Donc cet hyper individualisme hyper capitalistique, c'est ça pour moi, c'est ça qui rend impossible la rencontre amoureuse. Je ne crois pas que ce soit une impossibilité de l'homme en lui-même. Prenons le même film et changeons les métiers des personnages et imaginons que l'un devient médecin et l'autre va devenir prof. Mm-hmm. Est-ce que vous tenez du coup la même lecture du film? Est-ce que finalement, et ils se rendent compte l'un et l'autre que lui, elle est mutée quelque part, lui veut être tel type de médecin et peut pas vivre dans la même ville qu'elle, et qu'ils privilégient leur carrière professionnelle. Est-ce que vous proposez toujours la même lecture, ou est-ce que finalement c'est pas une lecture qu'on peut quand même appliquer à La Land, indépendamment du choix de leur carrière, qu'il y a ce conflit qui est très bien mis en scène dans le film, et ouais. Pour cause, on n'est pas d'accord à ce sujet-là, vous et moi, oui. Qui est que bien parfois il y a des obstacles à l'amour et que peut-être qu'il ne faut pas forcément toujours privilégier l'amour, et que c'est très triste de devoir y renoncer. Oui, mais alors quels sont les obstacles à l'amour? Parce que dans la conception occidentale, médiévale, la conception romantique, l'obstacle à l'amour, c'était souvent la femme était mariée, comme dans Tristan et Iseult, c'était vraiment des contraintes sociales très fortes, des normes. C'était la norme de la société qui rendait cet amour impossible. Et cet amour était d'autant plus exaspéré qu'il était impossible. Et là, aujourd'hui, nous n'avons plus aucune contrainte sociale, apparemment, à l'amour. Il n'y a plus vraiment d'obstacles. Tout le monde peut épouser tout le monde. On peut divorcer si on est marié et qu'on tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Il n'y a plus de problème. Sauf que le problème, le véritable obstacle à l'amour aujourd'hui, c'est soi-même, c'est l'individu, c'est le fait de dire je ne peux pas, c'est moi qui compte. C'est ça le principal obstacle aujourd'hui. La raison pour laquelle il y a d'autres obstacles à l'amour, c'est aussi une certaine libération, notamment de la femme. Vous parlez de schémas de couples médiévaux, l'amour à tout prix. Là aujourd'hui, c'est aussi un film où on montre que la femme choisit de travailler aussi. réussie, donc elle est peut-être moins, elle est peut-être plus disponible à autre chose qu'au simple amour que lui propose un homme. Et ça, c'est plutôt une liberté, un gain, non? Oui, c'est un gain, cette liberté, cette libération, le fait que la femme s'assume complètement et qu'elle n'attend pas, comme Cendrillon, là, le prince charmant, tous ces contes de fées où on nous explique depuis qu'on est toute petite fille notre accomplissement ne peut venir que par la rencontre du prince charmant. Et si nous ne rencontrons pas ce prince charmant, eh bien, nous serons malheureuses. On est sorti de ce schéma-là parce qu'on sait très bien que on va avoir des métiers et s'accomplir dans notre métier et qu'on n'a plus du tout besoin de ce prince charmant pour s'accomplir. C'est ce qu'elle lui dit et c'est ce qu'ils se disent. En se disant cela, est-ce que l'on pourrait être à la fois des femmes libres et libérées et puis également être capable de la rencontre amoureuse et inversement pour l'homme? Est-ce que ce serait possible, ça, ou c'est totalement impossible? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on a besoin de se réenchanter notre schéma amoureux. Je pense qu'à force de penser trop à notre carrière et à notre individu dans cet hyper-individualisme, il ne faut pas du tout en revenir à Cendrillon et à Blanche-Neige, parce que ça, c'est affreux. Mais il faut quand même arriver à retrouver la force du sentiment, parce que j'ai du mal à penser qu'on va totalement s'accomplir sans la rencontre avec l'autre. C'est ce qui est quand même la plus belle chose de la vie. Alors voici la fin heureuse du film Elle et lui. Au revoir, Thierry. Au revoir, Nicky. Vous savez, j'ai fait votre portrait comme ça avec le châle. J'aurais aimé que vous le voyiez. Courbet dit que c'est une de mes meilleures toiles. Je pensais ne jamais pouvoir m'en séparer, mais voilà, il n'y avait aucune raison de la garder plus longtemps et... Je ne pouvais accepter de l'argent parce que, vous savez... Puis, Courbet m'a dit qu'une jeune femme était entrée dans sa galerie et ça lui a plu. Elle a vu ce que j'espérais que vous y verriez. Alors j'ai dit à Courbet de lui en faire cadeau. Parce que il m'a dit qu'elle n'avait pas d'argent et que de plus, elle était... Mais quoi qu'il en soit, je lui ai dit de lui en faire cadeau. Courbet m'avait dit qu'elle y tenait follement, et moi pas. Vous savez ce que c'est, hein? C'est Noël maintenant, et tout, et c'est tout moi. J'ai du qui plein le cœur. Chérie, ne me regardez pas comme ça. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Si ça devait arriver à l'un de nous, pourquoi a-t-il fallu que ce soit à vous? Ce n'était la faute de personne, la mienne seulement. Je regardais en haut. C'était tellement près du paradis. Vous y étiez. Oh, chérie. N'ayez pas peur, chérie. Si vous pouvez perdre, je pourrais marcher. Les miracles peuvent arriver, vous ne croyez pas? Oui, chérie, oui, oui, oui. Je me suis posé la question suivante. Que dois-je enseigner? Et je me suis dit, l'Amérique est connue pour ses comédies, nous avons des acteurs célèbres. Donc je vais choisir un certain nombre de films de mémoire en mettant particulièrement l'accent sur les comédies. Il se trouve que quatre des films qui m'avaient beaucoup impressionné étaient quatre des sept films que l'on retrouve dans La recherche du bonheur. But to discover the intellectuality, mais de découvrir the comme cela le caractère artistry, intellectuel, artistique, la précision du cinéma, le fait que chaque chose compte. On pose une question à un film et le film vous répond. Was a revelation to me. Ça a été une véritable révélation and, pour moi. That remarriage was the first of the true ideas to get inside a film. Le thème du remariage a finalement été pour moi la façon de pénétrer dans le cinéma et j'ai été récompensé au centuple et ça continue à avoir une réalité pour moi, donc je continue à étendre cette notion. Quelle émotion d'entendre la voix de Stanley Cavell. Oui. C'était en 2008 ici pour les émissions À Voix Nue au micro de Philippe Petit. On doit à Stanley Cavell le fait d'avoir pris au sérieux ce qu'on appelle les comédies romantiques, les comédies hollywoodiennes en plus, qu'il aura appelé les comédies de remariage dans le champ de la philosophie. Oui. Et d'entendre sa voix après cette fin très touchante d'elle et lui. Mm-hmm. Qu'on ne révélera pas entièrement, Elieta Bekassis. Moi, je propose qu'on laisse aux spectateurs qui n'ont pas vu le film aussi de regarder le film pour avoir toutes les clés, pour comprendre cette fin. On aura entendu l'intensité avec laquelle la musique accompagne cette dernière scène. Mm-hmm. Et là, est-ce que vous iriez jusqu'à dire, puisque si on est fidèle à Stanley Cavell, qui était votre professeur, hein, je crois, Elieta Bekassis. J'ai eu la chance de suivre ses cours. C'était un cours sur opéra et film. Voilà. Et effectivement, c'était un professeur extraordinaire, fascinant, qui enseignait toujours avec le sourire et ce regard bleu merveilleux, absolument envoûtant. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, donc à sa suite, donc en essayant de réfléchir même de manière philosophique à ses comédies, que bah, elle et lui, ça ne pourrait plus arriver aujourd'hui, qu'aujourd'hui les comédies que nous regardons, comme La La Land, même s'il n'est pas forcément emblématique de toutes les comédies romantiques qui sortent au cinéma, eh bien ne peuvent plus être pareilles, parce que la société elle-même a changé. Je pense que, en tout cas, elles ne le sont plus, que les comédies romantiques sont de plus en plus rares, ou alors écrites d'une façon totalement différente. Et La La Land, qui est une grande réussite, en est le signe, mais il y en a très peu. Donc il y a une disparition du romantisme dans la comédie, c'est ça qui est affolant. Et je pense que nous avons besoin d'en réécrire pour ressentir des sentiments, ces sentiments que nous sommes en train de perdre. Et Stanley Cavell montre bien, à travers son analyse philosophique, à quel point c'est important de se nourrir de ces comédies romantiques, de l'art d'une façon générale, mais de cet art-là pour, en quelque sorte, élever son âme. Et parce que dans l'histoire des remariages, ces comédies du remariage, selon Stanley Cavell, il y a une séparation durant laquelle le héros va se remettre en question, le couple va se remettre en question, mais chacun va se remettre en question. Et c'est bien ce qui se passe dans Elle et lui, puisque chacun va travailler, va être différent et va ressortir en quelque sorte purifié. C'est le perfectionnisme moral, cette exigence qui fait que l'on peut bien accéder à un niveau supérieur de moralité si nous travaillons sur nous-mêmes. Et aussi une mise en scène pour Stanley Cavell du scepticisme, c'est-à-dire que il faut arriver à douter, à remettre les préjugés, enfin le réel en question pour s'améliorer. Et c'est ce que nous font vivre les comédies romantiques. Donc regarder une comédie romantique, c'est une expérience existentielle dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas nous en passer parce que si nous n'en regardons pas, eh bien nous allons tout simplement perdre notre âme et ne pas vivre cette expérience de perfectionnisme, de perfectionnement moral. Alors l'appel est lancé, Elieta Bekassis. Merci beaucoup. Et même on peut préciser que les comédies romantiques, ça marche avec un masque hein, aussi. En post-confinement, on peut tout à fait imaginer tous les scénarios possibles compte tenu de la situation. Absolument, c'est pas besoin d'être à visage découvert, il suffit juste de regarder ou même d'entendre. Merci en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de La La Land, de nous avoir donné envie de voir ou revoir Elle et lui, qui est un film vraiment magnifique. Je vous conseille tous de le regarder. Vous serez surpris, vous verrez, parce que ça fait partie de ce genre de film où on s'attend vraiment pas à ce qui se passe. Et puis vous connaissez pas vraiment la fin, on en fait entendre un extrait, mais si vous ne l'aviez pas vu, vous n'avez pas les moyens de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Alors vraiment, n'hésitez pas et regardez-le. Elieta Bekassis, merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Well now, I'm afraid we must be leaving soon. It has been a has been a good day. Now, before we go, you must play the piano for us. Oh, no, Niccolo. No, no, no. Please do. Look at my hands. No excuses. Come along. Come on, come on. Oh. Jeannot was a concert pianist. Was. Remember, I was asked to do this. Je vous laisserai bien un peu plus longtemps en compagnie de Cary Grant et de Deborah Kerr à écouter du piano, mais il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo, présenté par la non moins douce Géraldine Mosna-Savoie. I don't like boat whistles. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques mois, dans un magazine de psychologie, pour ne pas le citer, on pouvait lire en couverture « Se parler vrai », sous-titre « Plus d'authenticité, plus d'intimité ». Cette idée d'une parole véritable est courante dans le monde du développement personnel. Mais que veut-elle dire ? L'injonction à se parler vrai a-t-elle vraiment un sens ? Il m'a semblé qu'il serait également intéressant d'analyser, dans ses conditions et dans ses formes, le type d'acte par lequel le sujet disant la vérité se manifeste, et par là je veux dire se représente à lui-même et est reconnu par les autres comme disant la vérité. En philosophie, on ne peut pas parler de parler vrai sans parler justement de la figure de Michel Foucault. Texte, conférence ou cours au Collège de France, la question de la vérité dans la prise de parole est incontournable dans son œuvre. De la maïeutique antique à la confession chrétienne, de l'élaboration d'un discours juste au courage de dire la vérité. Il en est de même dans le développement personnel, aussi étonnant que le rapprochement puisse paraître. Le parler vrai est un point crucial de cette littérature du bien-être. Avoir le courage de s'exprimer, de mettre des mots précis et mesurés sur ce que l'on ressent, le fameux ressenti, de dire à l'autre ses fausses idées et ses quatre vérités, de mettre aussi en adéquation nos règles et notre vie, tels seraient les grands principes de cette philosophie devenue coaching ou inversement. Et je dois dire qu'en lisant et Foucault et les coachs, l'idée de se parler vrai m'échappe un peu. Que faut-il donc entendre par ce parler vrai ? Quand une parole n'est pas illogique ou quand elle n'est pas un mensonge, est-elle du coup forcément vraie ? Peut-on tout le temps parler vrai ? Et quand on parle vrai, parle-t-on vraiment vrai ? En est-on vraiment sûr ? À force de prôner ce parler vrai, ne devient-il pas un faux-semblant ? C'est peut-être sur ce point que ma réflexion, je dois dire, bloque le plus. Se dire que l'on parle vrai ne relève-t-il pas de l'auto-persuasion, de la pensée magique, de l'étendard qui en fait cache le vrai, la vérité, le fond du problème, à savoir qu'on ne peut jamais vraiment tout dire. Avez-vous déjà essayé le parler vrai, de parler vrai, de vous parler vrai ou de parler vrai à des amis, pire, à de la famille ? Je n'ai pas en tête le fait d'évoquer le problème de la vérité en tant que tel, de discuter des fake news et du complotisme, de la recherche des faits dans le débat public et encore moins du fait d'être honnête quand on remplit sa feuille d'impôt. Je parle de ce moment précis où l'on se dit que l'on doit la vérité à quelqu'un, qu'il s'agisse de son frère, de son conjoint, de son employeur ou de ses clients ou encore de ses amis. Et bien sûr, quand je dis « dire la vérité », je parle de celle qui fait mal. Un licenciement, une vexation, un jugement, une tromperie, la sensation d'un éloignement. Je parle de la vérité qui est difficile à nommer, où l'on doit choisir ses mots pour être entendu, pour bien viser, celle où on juge l'autre et celle où on s'incrimine. C'est comme si le parler vrai, et c'est là la chose frappante, était donc de fait blessant pour être vrai et pour être dit, comme s'il fallait que les mots, sans être forcément performatifs, débouchent en tout cas sur quelque chose de palpable, de visible, de convaincant. Mais alors sur quoi ? Si je me souviens bien, à chaque fois que j'ai eu des conversations de ce genre, elles m'ont presque toujours semblé nulles, injustes, mal comprises, sans intérêt. J'y ai repensé pendant des jours en me disant que je n'avais pas tout dit, ou que j'avais mal dit, ou que je n'avais pas été comprise, ou que je n'avais pas entendu. Des mots échangés, j'ai gardé plus la douleur ou l'incompréhension que leur sens. C'est tout le problème de ce parler vrai devenu étendard, mantra ou formule. Le vrai n'est qu'une façade de sensations fortes et le parler ne relève même plus du sens ou de la signification. Dis la vérité. Dis la vérité. Que reste-t-il alors de se parler vrai quand le vrai sonne faux et quand on parle pour ne rien dire ? Eh bien peu de choses, juste la sensation d'avoir voulu bien faire, d'avoir voulu être dans le vrai, d'avoir voulu aussi partager quelque chose avec un autre que soi. Mais doit-on parler vrai pour se parler tout court, pour bien faire avec soi et avec les autres ? Et surtout, doit-on cultiver le parler vrai pour être dans le vrai avec soi et avec les autres ? Eh bien je ne crois pas. Car le vrai, l'authentique, ne se trouve pas dans la décision de dire ces quatre vérités à quelqu'un ou à soi. On ne parle pas vrai comme on recherche la vérité dans des expérimentations scientifiques, avec un dispositif, une mise en scène. Au contraire, je crois qu'elle jaillit d'un coup, précisément quand on parle de tout et de rien. On se découvre comme on découvre l'autre, quand il n'a rien prévu de dévoiler. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour, confinement ou pas, à préparer ces émissions. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie d'Isis Jourda, de Géraldine Mosna-Savoie, d'Anaïs Isbert, de Clara de Giovanni, de Thomas Beau qui réalise pour vous cette émission, de Nicolas Delmas qui est à la prise de son aujourd'hui. Merci à Georges Clès qui a lu le texte philosophique du jour. Merci au CDM de Radio France qui a permis d'établir la liaison avec la philosophe Eliette Abécassis et ainsi de permettre cette émission donc. On se retrouve demain pour la dernière émission de La Grille. On parlera d'Albert Camus en compagnie d'Abdel Malik à l'occasion du week-end qu'organise France Culture autour d'Albert Camus à l'occasion des 60 ans de la mort de Camus. La ville de Lourmarin avait prévu de célébrer du 25 au 28 juin la vie et l'œuvre de celui qui a reçu le prix Nobel en 1957 en organisant le festival Camus avec nous. Eh bien finalement, France Culture s'associe à ce festival pour permettre de nombreuses rencontres et de nombreuses émissions autour de Camus. Le programme est riche et il est formidable. Rendez-vous en ligne sur le site de France Culture pour avoir toutes ces informations. Nous, on sera là demain à 10h en compagnie d'Abdel Malik. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des Chemins de la Philosophie, qui est décidément polyvalente, vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions.